traîne dans un arbre et qui ne descend pas. Quand il veut aiguiser ses griffes et qu'il détruit tout le sofa. Quand il saute sur ma grand-mère et qu'elle le prend pour un Zaza. Il est si taquin, mon chat, mais je ne me plains pas. J'aime mon chat, j'aime mon chat, j'aime mon chat. Et que c'est Zaza tout ça. Quand mon chien ronge mon espadrille et qu'il l'enterre dans le jardin. Quand il jappe toute la nuit et qu'il agace les voisins. Quand il se glisse dans ma chambre et qu'il fait pipi sur mon lit. Qu'il est Zaza. Il est si gaffeur, mon chien, mais je n'y peux rien. J'aime mon chien, j'aime mon chien, j'aime mon chien. Et que c'est Zaza tout ça. Solo. Mon papa s'endort avant moi en me lisant un conte de fées. Quand il me fait tourner comme une toupie et qu'il tombe tout étourdi. Quand il cherche ses lunettes et qu'elles sont déjà sur son qu'il est Zaza. Il est si gentil, mon papa, c'est clair en tout cas. J'aime mon papa, j'aime mon papa, j'aime mon papa. Et que c'est Zaza tout ça. Tout ça.